pas, j'ai le feu. Yeah. J'clique en direct, j'mets le feu dans le réseau. Rider Scale, c'est pas du show, c'est un flambeau. J'prie pas pour briller, j'prie pour qu'on capte que le gaming c'est sacré, que le stream c'est un acte. Chaque viewer qui clique, c'est une âme que j'touche. Chaque raid que j'livre, c'est la passion que j'déboucle. J'joue pas pour le buzz, j'joue pour l'appel. Et j'veux que le monde entier vive le ciel. Stream Bainé, caméra on. Rider Skipper jusqu'à l'aube. He don't flex, he don't fake. His life for souls to elevate. Les mains sur la souris, le cœur sur l'écran. Mais l'esprit dans les cieux connecté au clan. Rider Skill, c'est plus qu'un pseudo, c'est un cri. Une voix pour les vrais, une lumière dans la nuit. Je veux que ça clique en Corée, au Maroc, au Brésil. Je veux qu'on capte que c'est réel, que c'est fragile. Mais bon, grand brûlant lourd. Et que chaque viewer se redresse avec amour. Je prie pas pour les chiffres, je prie pour les gens, je prie pour que chaque stream touche quelqu'un et que Ride Esquisse soit leur feu.